brighter still. Don't grizzle. Serveur chaud. Stream en feu. C'est Rider Skill qui lance le son. Ben Wema. J'clique, ça part en orbite. T'as joint trop tard, j'suis déjà lit. Pas de rêve, j'pose du concret. Un stream, un beat, une base à péter. Là où tu pars, moi j'build l'ambiance. J'fais danser même ceux qui manquent confiance. Pas de sourire fake, ni de vibe molle. C'est Rider Skill, ambiance brune sans brûle. Pause pipi. Ma voix elle claque comme une alerte rouge. Mon stream, une soirée qui bouge. Ils veulent danser, pas réfléchir. Alors je drop un beat pour faire fuir les bots, les trolls et les freezes. Ici c'est du brut, pas une série Netflix. Plus de reste, plus de sort, plus.